Et s'il te tuait, enfant ? Dit Morvert. Oh, ça pourrait arriver, répliqua Jeannin en souriant, car il serait en colère de s'être trompé. Mais ça ne fait rien. Je vous dis que c'est un vrai bijou, ce pot de mouton, s'écria Bruno enthousiasmé. La demoiselle serait sauvée, reprit Jeannin. Voilà le principal. Reine de Morvert et le vieux Hue lui-même voulurent s'opposer à ce déguisement, mais il y eut contrainte, parce qu'Aubry fit un signe. Toutes les filles, Simonette en tête, elle avait pourtant la larme à l'œil, s'emparèrent de Reine, Jeannin passa derrière le mur. L'instant d'après, Reine revint vêtue de la peau de mouton, Jeannin, lui, avait le costume de la fée des grèves. Il était joli comme un cœur, au dire de toutes les Gothons. Il arrangea le voile de dentelle sur ses cheveux blonds, envoya un baiser à Simonette qui riait et qui pleurait, et franchit le premier l'enceinte pour entrer en grève. Chapitre 29. Le brouillard. Il était environ 7 heures du matin quand la mer permit de se mettre en marche. Ces brouillards des grèves forment une couche très peu profonde et qui souvent n'a pas deux fois la hauteur d'un homme. En général, moins la couche de brume a d'épaisseur, plus elle est dense et impénétrable au regard. Nous avons montré une fois déjà au début de ce récit le monastère de Saint-Michel voguant comme une gigantesque nef au milieu de cette mer de vapeur. Nous avons montré la brume, arrondissant ses vagues cotonneuses, balançant ses sillons estompés et laissant au radieux soleil de juin qui dorait le sommet du mont toutes ses éblouissantes ardeurs. Au printemps et en automne, cet aspect qui arrête le voyageur ébahi se représente fréquemment. Les gens du pays, blasés sur ces merveilles, jettent au prodigieux paysage un regard distrait et passent. Ce qui les occupe, et ils ont raison, c'est le fond de cet océan de brume. De tous les dangers de la grève, celui-là est en effet le plus terrible. Le brouillard des grèves est assez compact pour former autour de l'homme qui marche une sorte de barrière mouvante, possédant à peine la transparence d'un verre dépoli. Figurez-vous un malheureux, errant parmi ces sables où nulle route n'est frayée, avec un bandeau sur la vue, avec un masque qui laisse passer les rayons lumineux, mais qui les disperse, qui les confond, qui les brouille, comme ferait un épais et triple voile de mousseline. On y voit, la lumière est même la plupart du temps vive et blessante pour l'œil, répercutée qu'elle est à l'infini par les molécules blanchâtres de la brume. Mais cette sensation de la vue est vaine. On perçoit le vide brillant, le néant éclairé. Les objets échappent, toute forme accusée se noie dans ce milieu mou et nuageux. Nous avons dit le mot du reste, et aucune comparaison ne peut rendre plus précisément la réalité. Collez votre œil à une vitre dépolie et regardez le grand jour au travers. Vous serez ébloui sans rien voir. La nuit, le peu de lumière qui descend du firmament suffit toujours à guider les pas. Dans le brouillard, rien ne guide, rien, et le vertige nage dans ce blanc duvet qui provoque et lasse les paupières. La nuit, le son se propage avec une grande netteté. Or, quand la vue fait défaut, l'ouïe peut la remplacer à la rigueur. Dans le brouillard, le son s'égare, s'étouffe et meurt. C'est quelque chose d'inerte et de lourd qui endort l'élasticité de l'air. C'est quelque chose de redoutable comme cette toile, blanche aussi, qui s'appelle le suaire. Ici, le courage même a la conscience de son impuissance. Le sang se fige, la force cède, on est à la fois submergé et fasciné. Ceux qui ont échappé à cette terrible mort racontent des choses étranges. Ils disent que la cloche du mont sonnant la détresse arrive parfois tout à coup à l'oreille et fait tressaillir l'agonie. Elle vibre plaintivement et l'oreille étonnée croit l'entendre sortir des profondeurs des tangues. Puis la cloche se tait, un silence pesant succède à ses tristes tintements, puis tout à coup le sable, devenu sonore comme par enchantement, apporte le bruit de la mer qui monte. Oh, comme elle va vite, la mer, la mort! Comme elle court, invisible, là-bas. De quel côté, on ne sait. Près ou loin, on ne sait. Mais elle court, elle glisse, elle arrive. Elle est là, cachée derrière l'inconnu, au fond de ces espaces mystérieux et voilés. On l'entend qui approche et qui gronde. Oh, comme elle va vite. N'est-ce pas elle déjà, ce froid qui vous glace les pieds ? On ne sait, je le dis encore, on ne sait, car le sang s'est précipité au cerveau. La fièvre tremble, puis brûle. Et cette morne solitude, ce brouillard lugubre et gris, vont se peupler de visions folles. Écoutez, ce n'est plus la mer, c'est le rêve. On chante vêpres à la paroisse aimée. Ils sont tous là, les parents, les amis. Derrière le pilier, voici la préférée qui est là et qui prie. Douce fille, que Dieu te fasse heureuse. N'a-t-elle pas tourné sa tête brune, coiffée de la dentelle normande, pour lancer à la dérobée un regard au fiancé ? Un seul regard, car deux distractions annulent une prière. Mais ce ne sont pas les vêpres, non. Mateline a des fleurs d'oranger sur le front. A-t-on des fleurs d'oranger un autre jour que le jour du mariage ? Quoi ? C'est la messe des noces ? Le père avec ses cheveux blancs ? La mère qui a les yeux mouillés de larmes heureuses ? Et la petite sœur espiègle, le rose, la fillette aux yeux malins ? Quelque jour tu te marieras, toi aussi, petite sœur. Merci, mes amis. Oui, je suis bien content. Oui, ma fiancée est bien belle. Merci, Pierre. Merci, René. Vertu bleue. Puisque voici la messe finie à table, et buvons à ma douce Mateline. Elle est émue, le rouge lui vient à la joue, elle cache sa tête dans le sein de sa mère. On n'a ces chères angoisses qu'une fois dans la vie. Une fois dans la vie seulement, on porte la couronne d'oranger. Rougis, jeune fille, et souris derrière tes larmes. Oh, mais la table oscille et tombe. Où sont les convives joyeux ? Où est Mateline, l'épousée ? Pierre, René, le père avec ses cheveux blancs, la mère pleurant et riant, Rose, la petite sœur aux yeux malins. Le brouillard gris, silencieux, livide. Au secours, Seigneur mon Dieu, au secours. Hélas, la voix tombe à terre, brisée. Dieu n'entend pas, c'est la dernière heure. Il y a dans la brume des éclats de rire lointains, des gémissements leur répondent. Le sable gonflé pousse ces bizarres soupirs qui semblent l'appel des victimes d'hier à la victime d'aujourd'hui. Et ne voyez-vous pas ici, ici, ces danseurs pâles qui mènent tout alentour leur ronde insensée ? Les bras enlacés, les cheveux au vent, des lambeaux de linceul qui flottent, des yeux profonds et vides. Au secours, Seigneur Dieu, au secours ! Personne ne vient, la mer monte. Ou bien la lise molle cède sous les pieds avec lenteur. Ils sont rares ceux qui racontent ce rêve du malheureux, perdu dans les brouillards. Bien peu sont revenus pour dire ce qu'invente la fièvre, à l'instant suprême. Les réfugiés du village de Saint-Jean qui avaient passé la nuit à Tomblaine n'auraient pas même dû hésiter à fuir, car il était mille fois probable que Méloire et ses soldats profiteraient du brouillard pour renouveler leur attaque. Or, la partie du rocher au Bruneau et sa petite armée s'était défendue si vaillamment, sortait presque tout entière de la brume, qui l'entourait comme une ceinture. Les assaillants eussent attaqué cette fois à coup sûr, car ils auraient vu et seraient restés invisibles. Au contraire, en se mettant résolument en grève, les assiégés, qui connaissaient pour la plupart les cours d'eau et tous les secrets des Tangues, n'avaient contre eux que le brouillard. Le brouillard devait, suivant toute vraisemblance, les protéger contre la poursuite de leurs ennemis. La route la plus sûre par rapport au danger de la chasse aurait été celle qui mène directement à Avranches et au bourg de Genet. Mais cette partie de la grève, sillonnée par d'innombrables ruisseaux, affluents de la Cée et de l'Ordée, présente des difficultés si graves qu'on s'y hasarde à regret, même par le grand soleil. Par la brume, c'eût été folie. Le petit Jeannin, qui avait pris d'autorité l'emploi de guide, marcha sans hésiter à l'est du mont Saint-Michel, dans la direction du bourg de Hardévon, limite extrême de la Normandie. Nous sommes bien forcés d'avouer que le petit Jeannin avait les jambes un peu trop longues pour la robe de reine, et que ses mouvements hardis et découplés n'allaient pas au mieux avec le chaste voile qui descendait sur ses cheveux blonds. Mais, à part ces détails, le petit Jeannin faisait une fée des grèves très présentable, et d'ailleurs, il n'est pas mauvais qu'une fée ait en sa personne quelque chose d'excentrique. Ce serait bien la peine d'avoir un charme dans son petit doigt et de chevaucher sur des rayons de lune si on ressemblait trait pour trait à une demoiselle de bonne maison. Jeannin avait de beaux cheveux bouclés, de grands yeux bleus et un sourire espiègle, c'est plus qu'il ne fallait. N'eût-il rien eu de tout cela, le brouillard en ce moment aurait encore suffi à déguiser la supercherie. C'était un vrai brouillard, un brouillard à ne pas voir son nez, comme on dit entre Avranches et Cheruex. À peine les gens qui composaient la caravane eurent-ils quitté le sommet de Tomblaine pour entrer dans cet immense nuage qu'ils cessèrent un continent de s'apercevoir les uns et les autres. Ils marchaient côte à côte cependant, chacun d'eux pouvait entendre le pas de son voisin et sentir le vent de son haleine. Mais l'œil était pour tous un organe désormais inutile. On ne distinguait rien. Pour apercevoir le sol vaguement et comme à travers une gaze, il fallait s'agenouiller. Frère Bruno étendit son bras et sa main disparut dans la brume. « Allons, dit-il, voilà qui est bon. Ça me rappelle l'aventure du bailli de Carole et de son âne. » Ils se cherchaient tous deux dans le brouillard, devant le rocher de Champeau. L'âne et le bailli firent 78 fois le tour de la pierre, jusqu'à ce que M. le bailli s'avisa de faire « I-an !»« Silence !» ordonna la voix de Morvert. « Seigneur Jésus, on se tait, on se tait !» répliqua le moine convert. « Je pense que je ne suis pas un bavard. » Il ajouta, en se penchant à l'oreille d'un Mathurin quelconque, « Devinez ce que répondit l'âne !» Mais le Mathurin n'était pas en humeur de rire. « Nous approchons de la rivière, » dit en ce moment le petit Jeannin. « Prenez-vous par la main et ne vous quittez pas. » Les mains se cherchèrent et se réunirent au hasard. Il y avait à peine 10 minutes qu'on avait abandonné Tomblaine, et déjà les rangs étaient intervertis. On fut obligé de parler pour se reconnaître. Voici comment la caravane était disposée. Après le petit Jeannin qui marchait en tête, avec sa gaule à corne de bœuf, venait M. Hugues de Morvert et Aubry de Kergariou, escortant Rennes. Derrière ce groupe, c'étaient les Le Priol, Simon, Fanchon, Simonette et Julien qui avaient l'arbalète sur l'épaule. Suivaient les Gothons, dont 3 avaient eu une belle conduite, tandis qu'il nous faudra pleurer éternellement sur la faiblesse de la 4e. Les Gothons étaient accompagnés de Scolastique, des Susons et des Catiches. Les Mathurins, les Josons, etc. formaient l'arrière-garde avec le frère Bruno, qui s'était placé là dans l'espoir de compter à l'occasion quelque bonne aventure. Mais son espérance se trouvait cruellement déçue, le silence était de rigueur. La caravane marcha dans cet ordre pendant un quart d'heure environ. Au bout d'un quart d'heure, chacun sentit l'eau à ses pieds. En même temps, un bruit sourd se fit entendre sur le sable. « Les hommes d'armes !» dit tout bas le petit Jeannin. « Halte !» On s'arrêta. Il y eut un moment d'anxiété terrible, car c'était ici un coup de dé. Les hommes d'armes pouvaient passer à droite ou à gauche de la caravane, comme ils pouvaient y donner en plein, sans le savoir. La petite troupe se tenait immobile et silencieuse. Les chevaux approchaient. On entendit bientôt la voix de Méloir qui disait « De l'éperon, mes enfants, de l'éperon ! Ce brouillard-là nous la baille belle. Nous allons prendre notre revanche cette fois. » Excepté Rennes, qui est votre dame, et le traître Morvert, que nous mènerons à Nantes pieds et poings liés, répondit un homme d'armes, il ne faut pas qu'il en reste un seul pour voir le soleil de midi. Rennes tremblait. Les filles de Saint-Jean se serraient les unes contre les autres. Frère Bruno fit claquer les doigts de sa main droite et grommela « Ça me rappelle plus d'une histoire, mais chut, il y a temps pour tout. Quand ils seront passés, on pourra délier un peu sa pauvre langue. »« Allons, Bélissant !» criait Méloir. « Découple tes lévriers, ils vont quêter dans le brouillard, et qui sait ce qu'ils trouveront ?» Aubry serra la main de Morvert et tira son épée. Chacun crut que l'heure était venue de mourir. Bélissant répondit « Je ferai tout ce que vous voudrez, sire chevalier. » Mais du diable si les chiens ont du nez par ce temps-là, ils détaleraient à 10 pas d'un homme ou d'un renard sans s'en douter. » La cavalcade passait. Elle passa si près que chacun dans la petite troupe crut sentir le vent de la course. Bruno affirma même depuis qu'il avait vu glisser un cavalier dans la brume, mais Bruno aimait tant à parler. Chacun retint son souffle. « Holà ! » cria Méloir, « ceci est la rivière. Dans 10 minutes, nous serons à Tomblaine. » Mais j'ai entendu quelque chose. » La cavalcade s'arrêta brusquement à 20 pas des fugitifs. Frère Bruno caressa Joséphine, sa jolie massue, qu'il n'avait eu garde de laisser dans le fort. « C'est un de mes lévriers qui est parti, » dit Bélissant. « Je n'en ai plus que 11 en laisse. Oh, oh, oh !» Noirot, oh ! Une sorte de gémissement lui répondit. Oh, oh, oh, Noirot, oh ! Cria encore le veneur. Cette fois, il n'eut point de réponse. Si nous restons là, dit Méloi, nous nous ensablerons. Les pieds de mon cheval sont déjà de 3 pouces dans la tangue. En avant ! La cavalcade reprit le galop. Les gens de notre petite troupe étaient absolument dans la même situation que le cheval de Méloire. Partout le long de ces grèves, mais surtout dans le voisinage des cours d'eau où se trouve l'Élise, ou sable mouvant, l'immobilité est périlleuse. Le sable cède sous les pieds, l'eau souterraine monte par l'effet de la pression, et l'on s'enfonce avec lenteur. Rien ne peut donner l'idée de cette substance tremblante et molle qu'on appelle la tangue. La surface présente une assez grande résistance pourvu que la pression soit instantanée et rapide. Notre boue terrestre, les corps gras, toutes choses que nous connaissons et qui tiennent le milieu entre les matières solides et les matières liquides, ont un caractère commun. Le pied s'y enfonce au moment même où il s'y pose. Ici, non. Le pied marque à peine au premier instant. Il soulève une manière d'ourlet sablonneux et relativement sec, tandis qu'à l'endroit même où la pression s'opère, l'eau monte et remplace le sable. Si le pied quitte lestement le sol, comme cela a lieu dans une marche légère, on voit sa trace peu profonde former une petite mare qui s'efface bientôt, parce que la tangue reprend aisément son niveau. Mais si le pied reste, il s'enfonce indéfiniment et plus vite à mesure que l'immersion, la langue n'a pas d'autre mot, a lieu. On dit qu'un homme est bien un quart d'heure à disparaître entièrement dans l'Élise. Chapitre 30 où maître Vincent Guéfès est forcé d'admettre l'existence de la fée des grèves. Un quart d'heure à disparaître. Certes, il est difficile de se représenter une plus terrible agonie. Car une fois que les jambes sont prises à une certaine hauteur, les efforts de l'homme le plus robuste sont vains et ne servent qu'à hâter l'immersion complète. Le corps fait son trou lentement, lentement, le sable monte, emprisonnant les membres, moulant chaque pli de la chair, les jambes, le torse, la tête. On dit encore, car il y a bien des on-dit sur ses côtes, qu'il suffirait d'étendre ses deux bras en croix pour arrêter la submersion à la hauteur des aisselles. Mais la mer est là-bas, un demi-pied de mer va noyer cette pauvre tête qui respire encore au-dessus des sables. Ce bruit qui avait arrêté le chevalier Méloir dans sa marche, les fugitifs l'avaient entendu tout comme lui. Quand la cavalcade se fut éloignée, le petit Jeannin prit la parole avec précaution. « Jamais je n'avais vu d'animal pareil, » dit-il. « Quel animal ?» demanda Aubry. « Voyez, » répliqua Jeannin. Mais il n'était pas facile de voir. Aubry s'approcha en tâtonnant, et sa main rencontra le corps tout chaud d'un énorme lévrier blanc et noir qui était étendu sur le sable. Maître Loïs était plus grand et plus beau que cela, murmura-t-il. Quand Méloire a dit à son veneur de découpler les chiens, reprit Jeannin, celui-là qui était sous le vent de moi n'a fait qu'un bond et m'a pris à la gorge en grondant, mais je me méfiais. J'avais la main sur mon couteau que je lui ai plongé entre les côtes. Et tu n'as pas poussé un cri, petit homme, dit Aubry en lui frappant sur l'épaule. C'est bien, tu feras un maître soldat. Jeannin rougit de plaisir. Quelque part dans le brouillard, Simonette était là qui devait entendre. « Oui, oui, » dit frère Bruno, « Peau de Mouton sera un fier soldat, c'est vrai. Il a tué un chien, à ce que je comprends, mais il en reste 11, et si Monsieur U veut me permettre de parler, je vais donner un bon conseil. »« Parle, » répliqua le vieux Morvert, que ces divers événements semblaient préoccuper très peu. « Parle, » grommela Bruno, « le vieux seigneur est dans ses méditations jusqu'au cou. » Et les méditations, c'est comme les tangues, on s'y noie. Mais il ne m'appartient pas de juger un seigneur. Eh bien, fit Monsieur U. Voilà, maintenant il s'impatiente parce que je ne parle pas assez vite. Eh bien, messire, reprit-il tout haut, je déclare que je vous regarde comme notre chef, tant à cause de votre âge respectable que pour le titre de chevalier banneret que vous avez, incorrigible bavard, interrompit Morvert. Ah, par exemple, s'écria Bruno en colère. Depuis 52 ans que je vis, et je pourrais dire 53, vienne la Saint-Mathieu, car je suis né 3 ans avant le siècle, oui, et mes dents ne branlent pas encore. Voici la première fois qu'on m'appelle bavard. Mais c'est égal, je n'ai pas de rancune. Mon bon conseil, je vous le donne gratis et pro deo, comme disait Quentin de la Ville-Gilles, porte-lance de monsieur le connétable. Les soudards et cavaliers de Semé-Loire sont maintenant à Tomblaine, ou bien près, pas vrai? Eh bien, quand ils vont voir les oiseaux dénichés, ils seront de méchante humeur. Ils ont des chiens et les chevaux vont plus vite que les hommes. Les chiens n'ont guère de nez dans le brouillard. C'est le veneur lui-même qui l'a dit. Mais on leur mettra le museau dans nos traces fraîches. Et alors? C'est vrai, s'écria Aubry. Bon, bon, fit Bruno. Maintenant, chacun va me couper la parole, je m'y attendais. Que faire? Demanda Morvert. Voilà, j'ai vu plus d'une poursuite dans les grèves. Olivier de Plougastel, chevalier seigneur de Plougaz, échappa aux Anglais tenant garnison à Tomblaine, pas plus tard qu'en l'an 42, en suivant le cours de cette rivière où nous sommes. L'eau qui coulait sur le sable effaçait à mesure la trace de ses pas. « Suivons donc la rivière, » dit Aubry. « La rivière, en descendant, est pleine de lys, » fit observer Jeannin. « En remontant, elle nous mène dans la partie la plus dangereuse des grèves. » Et si nous ne nous hâtons pas de gagner la terre, ce brouillard se lèvera. Nous resterons à découvert au milieu des grèves. » Cela était si complètement évident que personne n'y trouva de réplique. Le frère Bruno lui-même se gratta l'oreille et ne répondit point. « Marchons à reculons, » reprit Jeannin, « le plus vite que nous pourrons. Le veneur collera son œil contre terre et voudra connaître nos traces. Ils font toujours comme cela. Quand le veneur aura connu nos traces, il voudra mettre sa raison à la place de l'instinct des chiens, et nous serons sauvés. « Oh, peau de mouton !» s'écria Bruno, « tu ne vivras pas, tu as trop d'esprit. Allons, vous autres, à reculons !» On se remit en marche, selon l'avis du petit coquetier. 10 ou 12 minutes se passèrent, Morvert avait de nouveau commandé le silence. Au bout de ce temps, Bruno quitta son poste d'arrière-garde, et sans dire un mot cette fois, traversa toute la troupe pour se rapprocher de Jeannin. Sans le brouillard, on aurait pu voir sur la figure du frère Convert une inquiétude grave. Il ne fallait pas peu de choses pour produire cet effet-là. « Où es-tu, petit ? » demanda-t-il à voix basse quand il se crut auprès de Jeannin. « Ici, » répliqua ce dernier. Bruno s'avança encore jusqu'à ce qu'il pût lui prendre la main. « Es-tu bien sûr du chemin que tu suis ? » dit-il. « Non, » répondit Jeannin, dont la main était froide et la respiration haletante. « Depuis 2 ou 3 minutes, je vais à la grâce de Dieu. Où crois-tu être ? À l'orient du mont. Moi, je crois que nous sommes à l'ouest. La tangue mollit. Le vent vient de l'ouest, et si nous étions de l'autre côté, nous ne le sentirions guère. C'est vrai. Tournons à gauche. Avertis au moins, avant de tourner. Tournons à gauche, » répéta Jeannin à haute voix. Il n'y eut point de réponse. Jeannin pâlit et se prit à trembler. « Monsieur U. dit-il doucement d'abord, puis il cria de toute sa force « Monsieur U !» Le silence. Sa voix tombait comme si elle eût rencontré au passage un obstacle inerte et sourd. Il était arrivé ceci. Tout en parlant et sans y songer, le frère Bruno et Jeannin s'étaient arrêtés. Pendant cela, les fugitifs, continuant leur route, avaient passé à droite ou à gauche, et ils étaient loin déjà. Les bras de Jeannin s'affaissèrent le long de ses flancs. « Simonette et la demoiselle » murmura-t-il. « Allons, petit, du courage !» reprit Bruno. « Si l'un de nous les retrouve, cela suffira. Prends à gauche, moi j'irai à droite, et des jambes !» Ils s'élancèrent chacun dans la direction indiquée. 2 minutes après, il aurait été impossible de se retrouver mutuellement. Vers ce même instant, Méloir et ses hommes d'armes arrivaient à Tomblaine, qu'ils avaient manqué plusieurs fois dans le brouillard. Bruno avait deviné juste. Dès que Méloir reconnut que les fugitifs avaient quitté leur retraite, il mit ses lévriers sur leurs traces et ouvrit la chasse gaiement. « Par mon patron, dit-il, j'aime mieux la chose ainsi. Nous allons les forcer comme des lièvres en pleine. » Péan, Kerbéel, Herquat, Corson, Quetodon, suivis des archers et soudards à pied, s'élancèrent dans la voie. Bélissant, le veneur tenait son meilleur lévrier en laisse et ouvrait la marche. Le brouillard était toujours aussi intense. Les hommes d'armes, montés sur leurs chevaux, ne voyaient point le sol. Mais chacun d'eux tenait la laisse d'un lévrier. Ils allaient en ligne droite, comme s'il eût fait beau soleil. Les chiens s'arrêtèrent sur les bords de la rivière, qui passe entre le mont Saint-Michel et Tomblaine. Bélissant n'était pas homme à s'embarrasser pour si peu. Il passa l'eau et connut les traces nouvelles comme s'il se fût agi d'un cerf ou d'un sanglier, Puis il caressa doucement son lévrier en disant « Vélissi, allez !» Le chien donna de la voix à bas bruit. La chasse recommença. Mais bientôt un obstacle d'un nouveau genre se présenta. Nous ne voulons point parler de la marche à reculons. Ceci eût été bon peut-être pour tromper des hommes, mais les chiens vont aux fleurs et ne raisonnent guère les heureux, à cause de quoi ils ne commettent point d'erreur. L'obstacle dont il s'agit, c'était la divergence des routes suivies par le petit Jeannin d'abord, frère Bruno ensuite, et enfin le gros de la caravane. Les chiens quêtèrent un instant, soufflant au vent, éternuant, reniflant, et attendant l'indication bonne ou mauvaise qui leur vient de l'homme quand leur instinct fait défaut. Mais ici les hommes étaient encore plus empêchés que les chiens. Tout le monde mit pied à terre, on s'accroupit sur le sable, on regarda la tangue de près, on fit de son mieux, on ne fit rien de bon. La brume semblait se rire de tout effort. Maître Vincent Gueffès, car il était là, Maître Vincent Gueffès fut le premier qui se releva. Il avait le nez tout barbouillé de sable, tant il avait approché de la tangue ses yeux clignotants et gris. « M'est avis qu'ils se sont séparés en trois troupes, dit-il, volontairement ou par l'effet du hasard. « Après ? » demanda Méloir. « Après, mon bon seigneur, on prétend que le sire d'Estouteville a reçu ordre du roi de France de s'opposer à toute poursuite armée sur le territoire du royaume. « Qui prétend cela ? » « Des gens bien informés, mon cher seigneur. Le vieux Morvert est un matois. Il aura pris à gauche du mont pour se trouver tout de suite le plus près possible de la protection française. « Ohé !» cria Bélissant. « Le gros de la bande a pris à droite du mont Saint-Michel. Allez, chien, allez !» Il pouvait y avoir du bon sens dans la vie de maître Vincent Gueffès. Mais le lévrier de Bélissant le veneur entraîna tous les autres, et maître Gueffès resta seul. Il s'arrêta un instant indécis. Dans les sables, par le brouillard, il n'est pas permis de réfléchir. Quand maître Vincent Gueffès se ravisa et voulut suivre la troupe de Méloir, il n'était déjà plus temps. Aucun bruit n'arrivait à son oreille. Il tourna sur lui-même pour s'orienter. Seconde imprudence. Par le brouillard, dans les sables, il ne faut jamais tourner sur soi-même, à moins qu'on ait dans sa poche une boussole. On perd en effet absolument le sens de la direction, et dès qu'on l'a perdue, rien ne peut le rendre. Il n'y a là aucun objet extérieur qui puisse servir de guide. Les gens du pays, égarés dans la brume, se dirigent quelquefois, quand ils se voient réduits à ces extrémités, par l'inclination des pommelles ou petites rides de sable que le reflux laisse sur la grève. Ils ont remarqué que ces pommelles s'élèvent à pic du côté de la terre et gardent au contraire du côté de l'eau une pente douce et presque insensible. Mais, outre que cette règle est fort loin d'être générale, il n'y a que certains endroits des grèves où le sable soit assez pur pour former ces pommelles. La Marne, qui est presque partout un des éléments de la tangue, résiste aux flots et garde son plan. Maître Gueffès était justement en un lieu où il n'y avait point de pommelles. Il se baissa pour examiner les traces. Les traces se mêlaient maintenant en tous sens. Chaque pas formait un trou arrondi dans ce sable mou et prompt à s'affaisser. Maître Gueffès était absolument dans la position d'un homme qui joue à Colin Maillard. La bravoure n'était pas son fait. Il eut peur et se prit à courir en suivant au hasard une des lignes de pas qui partait du centre où les deux troupes, les fugitifs d'abord, puis les hommes de Méloir, s'étaient successivement arrêtés. Oh, le pauvre Normand! S'il avait su ce qui l'attendait au bout du chemin, il n'aurait pas couru si vite. Il est notoire que la fée des grèves n'aime pas ceux qui doutent d'elle. Il est connu que la fée des grèves étrangle volontiers dans un coin ceux qu'elle n'aime pas. Les fées sont du reste presque toutes comme cela, les fées bretonnes surtout. Or, la fée des grèves glisse dans le brouillard comme dans la nuit. La trace que suivait maître Vincent Gueffès se trouvait être par hasard celle du petit Jeannin, fait des grèves par intérim. Tout en marchant, maître Vincent se rassurait un peu et il se disait « C'est une journée de 100 écus nantais, plus Simonette, sans parler du petit scélérat de Coctier, qui sera pendu cette fois pour tout de bon. Le chevalier Méloir m'a promis tout cela. Laissons faire, l'heure du déjeuner vient. Si je gagne le mont, j'ôterai mon bonnet et je mangerai la soupe des bons moines pour l'amour de Dieu. » Justement, un son grave et vibrant perça le brouillard. Maître Vincent poussa un cri de joie. C'était la cloche du monastère, Il était à 100 pas du mont. « Laissons faire !» reprit-il en se frottant les mains. « Jeannin pendu, Simonette que voilà devenue ma femme, et 100 écus d'or !» Une forme indécise passa près de lui, si près qu'il sentit comme un frôlement. Une robe de femme, il n'y avait pas à s'y tromper. On peut fuir un homme quand on a le caractère prudent. Mais une femme... Maître Guéfès, devenu brave, tout à coup, s'élança en avant. Ce pouvait être Simonette, ce pouvait être Mademoiselle Reine. Bonne prise dans tous les cas. Au bout d'une 20aine d'enjambées, il vit le brouillard s'ouvrir. Le roc noir de Saint-Michel était devant lui. C'était hors des murailles de la ville, en un lieu sauvage et sombre, que surplombent les contreforts du monastère. Sous les fondations, entre les roches énormes, il y avait une femme, la forme que Maître Guéfès avait vue passer dans la brume. « Bonne prise, oh, bonne prise !» Maître Vincent Guéfès reconnut les vêtements de Reine de Morvert. Et derrière son voile, il reconnut aussi ses cheveux blonds bouclés qui brillaient au soleil. Il s'approcha tortueusement. De l'autre côté des rochers, il y avait de pauvres pêcheurs qui faisaient sécher leurs filets. Ils avaient bien reconnu la fée des grèves pour l'avoir vue souvent glisser la nuit sur le sable depuis que M. Hue était caché à Tombelaine. Ils se dirent « Voilà le Normand Guéfès qui va attaquer la fée. Sorcier contre lutin, voyons la bataille. » La bataille ne fut pas longue. Il paraît que les fées sont plus fortes que les Normands. Dès le commencement du combat, Maître Guéfès devint fou. Car on l'entendit crier. Qu'avait-il à faire là-dedans, Jeannin, le petit coquetier des 4 salines ? La fée prit cependant Guéfès par le cou et l'entraîna dans le brouillard. Il se débattait, le malheureux. La fée et lui disparurent derrière la brume. Quand le brouillard se leva vers midi, les pêcheurs trouvèrent Maître Vincent Guéfès étendu sur le sable. La fée lui avait tordu le cou. Il faut se méfier. Chacun savait que Maître Guéfès, quand il avait les pieds dans les cendres et le pichet au coude, parlait trop à son aise de la fée des grèves. Il faut se méfier, se taire est le mieux. Mais si vous avez à parler d'elle, dites toujours la bonne fée ou ne passez jamais en grève. Jeannin, petit Jeannin, pitié, pitié. Fin de la section 10.